Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Weekend de Tech Café, votre petit supplément hebdomadaire. Si vous voulez l'essentiel de l'actu, c'est évidemment l'épisode précédent qu'il faut écouter. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné d'une personne que vous n'avez pas encore entendue sur le podcast pour le moment. On va parler ensemble, on va faire en fait un petit écho à l'épisode qu'on avait fait avec Mika il y a de ça maintenant quelques semaines sur la formation pour les développeurs, puisque, alors je suis donc accompagné d'Arnaud Croisier. Salut Arnaud, merci de te joindre à moi. Salut, bonjour à tous. La raison pour laquelle on va t'entendre dans cet épisode, c'est que tu as écouté l'épisode donc en question sur la formation pour les développeurs et tu avais réagi en commentaire sur techcafé.fr et il s'avère que toi-même, tu es étudiant à l'école 42 à Lyon et du coup tu avais des petites précisions à nous donner. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots qui tu es au-delà d'être étudiant à l'école 42 à Lyon et puis de nous donner un petit peu ton contexte d'apprentissage dans l'école? Ouais, ok, pas de souci. Moi c'est Arnaud comme tu as dit et là, je suis tout récemment admis à l'école 42, donc petit disclaimer, attention, c'est tout frais. Je suis rentré en novembre et j'ai fait la piscine de juillet, donc on va en parler, c'est le système de sélection. Et avant ça, en fait, j'ai 30 ans et ça amène un autre point sur l'école, c'est qu'elle est ouverte à tous et à tous les âges. Et ça, c'est super. Et donc, j'ai 30 ans et avant, j'étais dessinateur industriel. Donc, j'avais suivi un cursus assez classique, c'était un bac, après un BTS, conception de produits industriels. J'ai fait deux boîtes et puis là malheureusement ou heureusement on sait pas, j'ai été licencié pour raisons économiques, donc j'en ai profité pour tenter l'expérience. C'est génial parce que c'est pas du tout l'archétype du jeune étudiant tu vois qui commence ses études que tu décris, donc c'est hyper intéressant. Du coup tu dis que c'est ouvert à tous les âges, est-ce que tu as en tête un âge je sais pas maximum d'un camarade de promo ou d'une personne qui t'aurait croisé à l'école en tête? Il va rigoler parce qu'il nous écoute aussi. Et, et du coup, le maximum que moi je connais, c'est 36 ans. Ok. Et pendant la piscine, il y avait quelqu'un qui a tenté l'expérience qui avait 54 ans. Ok. Et le maximum que je connais, c'est 36, mais il me semble qu'il y a quelqu'un dans la promo qui est encore un poil plus âgé. D'accord, ok. Je pourrais pas l'affirmer. Hein. Donc, c'est vraiment pas un critère de sélection, c'est hyper intéressant. Bon, on lui fait un coucou, alors du coup, s'il nous écoute, c'est chouette. Est-ce que tu avais un bagage en matière de développement? Quelle affinité tu avais? Tu parles de dessin industriel. À ma connaissance, spontanément, il n'y a pas nécessairement de connaissance de gestion de code, de développement, mais peut-être que je me trompe. Ouais, non, pas du tout. En fait, il n'y a aucun bout de code là-dedans. Et justement, en fait, moi, j'avais zéro bagage là-dedans. J'avais vaguement fait de la programmation sur Graph7 en automatisme, donc pour ceux à qui ça programmer des entrées-sorties et puis faire bouger des vérins, jouer avec quelques capteurs, mais ça, c'est vraiment pas de la programmation comme on l'a fait là. Ouais. Donc c'était ma seule approche. Et dans le dessin, non, j'avais jamais rien fait, mais je voyais déjà un peu les ponts qui étaient possibles de faire, automatiser certaines tâches qui sont super répétitives, et du coup, voilà, mais j'avais pas d'expérience moi-même. J'avais fait un petit cours sur Open Classroom comme tout le monde avant la piscine et c'est tout quoi. Et alors pourquoi est-ce que d'une part tu voulais te plonger dans l'univers du développement et potentiellement faire ta reconversion dans ce domaine-là, et par extension pourquoi à l'école 42? Eh ben alors pourquoi? Ben parce que justement comme je te l'expliquais là, c'est au cours de mes deux entreprises que j'ai fait là pendant mon travail, je voyais qu'à chaque fois il y avait des tâches qu'on faisait qui étaient très répétitives. Et je voyais tout de suite la possibilité d'automatiser. Et en fait, à chaque fois, aux entretiens individuels, et tous les ans, on te demande un petit peu ce que tu aimerais faire comme formation, etc. À chaque fois, je disais, j'aimerais bien me lancer dans la programmation parce que je vois tout ce qu'on pourrait faire, etc. Et vu que j'aime bien la tech, que ça m'a toujours intéressé, je me suis dit, ce serait quand même cool de pouvoir mettre vraiment les mains dans le cambouis et puis pouvoir faire ce que les autres font. Et puis voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie. Je fais une petite parenthèse, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, alors tu ne l'as pas entendu et peut-être que les gens qui nous écoutent en ce moment, eux l'ont entendu, c'est en cours de montage au moment où on enregistre Arnaud, mais j'ai fait un épisode de Real Life avec mon ami Matt Et on a parlé de Codeur Dojo, qui est une association où, en gros, l'idée, c'est de promouvoir justement le développement. Alors, dès les plus jeunes, en fait, à partir du moment où on sait lire, qu'on est enfant et qu'on sait lire. Et le but, c'est de donner des premières sensibilités au développement et de faire ça avec un angle de connaissance de l'ordre du divertissement, quoi. C'est pas des cours en dehors de l'école, mais c'est plus du jeu, du divertissement et de l'apprentissage par l'amusement. Et on parlait ensemble durant l'enregistrement de cet épisode avec une personne qui est très investie dans cet asso, que justement il manquait parfois ce recul en entreprise de personnes qui font des tâches de manière très automatique, limite tu sais toujours ouvrir le même fichier Excel, faire les mêmes ouais. traitements, les mêmes exports et systématiquement faire des tâches très répétitives, et parce qu'on n'a pas cette sensibilité avec le développement. Donc c'est chouette de voir que toi tu fais justement exception, qui confirme la règle peut-être, ou peut-être même qu'il y a une génération de personnes qui arrivent maintenant dans l'environnement du travail qui sont un petit peu plus critiques, ce qui est plutôt cool du coup. Ouais, je sais pas si c'est générationnel, mais ouais, en tout cas ouais. Toi t'avais cette sensibilité. Et alors du coup, pourquoi l'école 42 du coup? Alors ouais, du coup je voulais revenir à ça, comme faire ta deuxième partie de question. Et pourquoi l'école 42? Bah c'est assez simple, je voulais... Bon alors, certains diront que je suis peut-être pas très objectif, mais moi je le crois vraiment, je voulais une formation de qualité, et je pense vraiment que c'est une des meilleures qui est possible de faire. Et du coup, je voulais une formation de qualité qui est gratuite, parce que ça, c'est super important. Mais en gros, à mon âge, c'est impossible de faire une formation qui est pas payante et qui soit de qualité. Là, c'est ouais. gratuit, c'est ouvert à tous les âges, et c'est vraiment pas une formation où on va dépenser 2000 euros de CPF et on n'aura rien appris, quoi. Je voulais vraiment pas ça. Je voulais vraiment sortir avec des connaissances solides. Enfin, déjà, je voulais essayer. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Mais... Bah, ça laisse la possibilité d'essayer, le fait que du coup, t'es pas de frais de scolarité. C'est ouvert à tous, gratuit, et que c'est qualitatif. Voilà pourquoi je me suis orienté vers 42. Comment on entre concrètement? Tu as parlé de la piscine, donc j'imagine que c'est pas une épreuve en maillot de bain et que c'est celui qui fait le plongeon le plus acrobatique et qui fait la performance de longueur la plus rapide. J'imagine que ça n'a rien à voir. Tu peux nous décrire un petit peu ce process? Ouais, alors du coup, petite précision, je me suis inscrit à 42 Lyon. Donc il y a plusieurs 42 en France. Il y a 42 Paris, évidemment, la première. Ensuite, il y a eu 42 Lyon, la deuxième. Et maintenant, il y en a qui fleurissent un peu partout. Il y en a une à Mulhouse, à Nice, il me semble à Bordeaux. Et donc, ça a sa petite importance dans le sens où les piscines, en fonction des écoles, il n'y en a pas toujours au même moment. À Paris, il me semble qu'il y en a quatre. Il y a juin, juillet, août et février. Et par exemple, à Lyon, il y a juillet, août et septembre. Ok. Donc, voilà, c'était la petite précision. Et comment on fait pour rentrer? Déjà, dans la piscine, il y a un pré-processus de sélection, donc en ligne. Il faut se créer un compte sur le site de 42. Et après, on a un petit défi, entre guillemets, où il y a un pré-processus de sélection. Donc, c'est sous forme de jeu, un peu comme le reste de l'école, en fait. C'est un peu gamifié. Et on va déjà faire de la programmation, mais sans le savoir. Au tout départ, c'est un test qui dure 2 heures de mémoire. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et il y a un test de 10 minutes qui est un test de mémoire où, en gros, il y a un quadrillage sur l'écran avec des cases qui s'illuminent et il faut juste recliquer sur les cases qui se sont illuminées. Ah, d'accord, c'est le jeu du Simon, quoi. Ouais, complètement. Ok. Excellent. Et donc, au début, c'est tout simple. Il y a 4 cases. Après, c'est 6 par 6. Après, c'est plus gros, etc. Donc, voilà, ça, c'est le premier jeu. Et ensuite, il y a un petit jeu où déjà, on commence la programmation, mais sans s'en rendre compte, on doit programmer le trajet d'un petit vaisseau qui évolue sur un quadrillage où certaines des cases sont colorées et le petit vaisseau doit aller chercher une étoile. Donc on a un nombre limite d'instructions, haut, bas, gauche, droite, demi-tour. Et en fonction de la couleur, on peut programmer une direction pour le vaisseau. Et donc on a plusieurs niveaux. Donc ça, c'est le premier passage obligé pour accéder à la piscine. Et donc après 3 jours plus tard, si on est pris, parce qu'en fait on sait jamais si ce qui se passe derrière, hein. C'est vraiment on fait de notre mieux et on sait pas ce qui se passe. Donc 3 jours plus tard, on a un petit mail qui nous dit bon bah super, tu as le droit de participer à la piscine. Donc après faut choisir une des piscines. Et du coup la piscine c'est un mois complet non-stop, donc 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'horaire, parce que c'est le principe de l'école aussi, c'est on peut y aller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Elle est ouverte toute l'année sur ce principe. On peut accéder au cluster n'importe quand. Et donc pendant un mois, enfin pas un mois plein, je crois que c'est 26 jours, il me semble, quelque chose comme ça, mais week-end compris. On a toute une série de tests. On découvre, on entre dans les clusters, on a pas beaucoup d'infos, voire pas du tout, et on doit se soumettre aux feuilles d'exercice et puis essayer de faire notre mieux à chaque fois. Voilà un peu Donc comment ça se passe au modo. c'est des sortes de défis, c'est ça? En gros, tu as une instruction, on te dit de réaliser telle chose, et puis, j'allais dire débrouille-toi, mais est-ce que c'est tout de suite avec un langage en particulier? Concrètement, j'ai du mal à visualiser ce que ça peut être les Alors, différents... bah, du coup, je peux un peu en parler parce que, en gros, c'est pas secret. Je. Oh, t'as le droit! Enfin, il Mais faudrait pas spoiler non, le je. truc et que... Ouais, D'accord. voilà. En fait, c'est un peu ça. T'as dit le mot, c'est spoiler. Genre, vu que la piscine, c'est un peu magique, Ah, ok. quand on en parle, on essaye de pas trop en dire parce qu'il se passe D'accord. des trucs vraiment magiques. Mais il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur le net, sur YouTube, on trouve plein, plein de ressources qui en parlent en long, en large, en travers. Et du coup, je peux en dire quand même un petit Ouais, peu sans c'est pas spoiler. suffisamment secret, ok. Ouais, non, c'est pas suffisamment secret, tout à fait. Donc en fait, bah, on commence par du shell. Donc pour ceux à qui ça parle pas, c'est une fenêtre toute noire où on peut en gros envoyer des commandes à l'ordinateur pour lui demander de faire telle ou telle chose. Et on commence par faire ça, par la base du terminal. C'est assez assez déroutant, c'est assez dur, surtout quand on n'y connaît rien, qu'on n'a jamais touché à ça. Après, donc en fait, pour expliquer le principe, c'est tout marche, comment on pourrait appeler ça, une espèce, tout marche par en gros feuille d'exercice. Si OK. tu veux, sur une feuille d'exercice, tu vas avoir plusieurs exercices que tu vas devoir compléter dans l'ordre sans louper les premiers, sinon ça invalide les suivants, même s'ils étaient justes. Et une fois que tu as fini cette feuille d'exercice, tu dois l'envoyer sur un serveur, le verrouiller. Et faire des corrections par paire. Et ça, c'est très intéressant. Donc pour le shell, c'est pas super intéressant. C'est grosso modo, il faut apprendre des commandes. C'est pas transcendant quoi. Par contre, quand on attaque le C, parce que le langage qu'on utilise en piscine, c'est le C. Là encore actuellement, au début de cursus, c'est le C. Même une bonne partie du tronc commun. Bah, on y reviendra pour le tronc commun. Donc une bonne partie du cursus, c'est en C. Et pour la piscine, c'est que du C qu'on va faire. Et en gros, du coup, ces feuilles d'exercice, c'est des énoncés. Donc ça, pour ceux à qui ça parle, on nous donne des prototypes de fonctions. On nous dit t'autoriser à utiliser telle ou telle fonction, des telles ou telles fonctions qui existent déjà. Et tu dois faire en sorte que ce prototype rende une fonction qui fonctionne, juste, enfin, qui est fonctionnelle complètement. Et donc chaque énoncé est un petit peu obscur comme ça, il n'y a pas beaucoup d'infos. Et ça non plus, c'est pas un secret, mais en début de feuille d'exercice, tu demandes à ton voisin de gauche ou à ton voisin de droite, et s'ils savent pas, tu demandes à Google. Parce qu'il D'accord. faut préciser que cette école, il n'y a pas de professeur et que tout est en apprentissage par pair. Et ça peut paraître déroutant ou même presque inutile pour certains, mais bah, du coup, je suis allé jusqu'en BTS, donc j'ai pas non plus une expérience incroyable de l'école. Mais c'est ce qui m'a paru, moi, vraiment de ce que je connais de l'apprentissage, du plus efficace, quoi. C'est vraiment impressionnant parce que une fois qu'on a fini nos feuilles d'exercice, donc comme je te l'ai dit, on verrouille nos feuilles d'exercice sur un serveur. Et ensuite, il faut se corriger les uns les autres. Mais on se sent pas légitime à faire ça. On n'y connaît rien. On vient de débuter. On va faire les mêmes exercices que tout le monde. Ou même, on les a pas fait et on est déjà en train de corriger des gens qui les ont fait. Et c'est là toute la puissance de la chose parce que on lit l'énoncé. La personne nous explique ce qu'il a compris. On pose des questions bêtes auxquelles il sait répondre ou pas. Et il y a tout un échange de connaissances qui se fait. Mais c'est monstrueux parce que par exemple, sur le même projet, on peut passer sur 3-4 personnes différentes. Et se rendre compte que, bah, par un exemple que moi j'ai eu, j'avais fait pour répondre à telle ou telle exigence, j'avais fait un code qui faisait trois fonctions de 25 lignes et je suis arrivé devant quelqu'un qui l'avait fait en une fonction de 10 lignes. Et Ah, là, c'est magique. Je me dis, mais comment t'as fait? Et là, on dit, ah bah, c'est extrêmement simple, regarde, il suffit de faire comme ça et. Excuse-moi, ça veut dire que du coup, tu apprends presque autant en faisant la revue des exercices des autres qu'en toi te posant la question de faire le tien, c'est ça? Ah mais complètement, et même des fois Ok. beaucoup plus en allant faire la correction de quelqu'un. Et c'est ça qui est vraiment, c'est là toute la puissance de l'apprentissage par pair en fait. C'est pas magique, mais presque de mon point de vue, C'est vraiment, tu vas apprendre des tips de gens qui sont. Parce que, évidemment, il y a tout type de profil. Il y a des gens comme moi qui n'ont jamais touché au code et il y a des ultra geeks qui sont sur du code depuis qu'ils ont 12 ans et qui connaissent le C déjà quasiment par cœur et qui vont t'expliquer des trucs auxquels tu n'aurais pas eu accès si toi, tu avais fait tes recherches tout seul sur le net. Tu as vraiment accès à un espèce de vivier de cerveau et c'est vraiment magique, quoi, parce qu'on va t'apprendre tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être efficace en fait? Et du coup, est-ce que ça n'a pas tendance aussi à gommer un effet, peut-être que je considère moi perso assez pervers dans l'environnement parfois universitaire, dans les écoles, c'est les compétitions qui sont plus ou moins exacerbées hein, mais, et plus ou moins stimulées par les écoles. Mais là, du coup, est-ce que tu ressens un aspect de compétition? Est-ce que tu te sens au contraire propulsé de par le fonctionnement comme dans une relation d'égal à égal avec tous les autres étudiants? Eh ben, du coup, je comprends ce que tu dis. Et non, moi, je me sens totalement propulsé. C'est Ouais. vraiment ça. Et j'avais ce sentiment en piscine de, bah, par exemple, être des fois, mais tracté par les meilleurs, en fait. C'est Ah, ok, vraiment, génial. et du coup, il y a une ambiance qui est assez. Moi, personnellement, j'avais jamais connu ça. Une ambiance qui est vraiment dingue dans la piscine. Tout le monde est amical et vraiment tout le monde est dans cet esprit d'entraide. Après, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les piscines, mais moi, celle que j'ai vécue, c'était comme ça. C'était l'entraide à fond. Tu vas corriger quelqu'un qui te dit, ah bah ça, tu peux le faire comme ça ou comme ça. Et tu sors de correction, il te dit, mais surtout, t'hésites pas. Si tu as un souci, tu viens me voir et on en parle. Et après, tu vas le revoir et ça devient presque ton pote. Et vraiment, c'est fou, quoi. C'est une super ambiance et c'est une vraie entraide. Tout peut se faire à distance ou est-ce que la Non, présence non, physique, non? la piscine, c'est que en présentiel. Ok, d'accord. Ouais, c'est tout. Après, libre à toi de ne pas venir ou venir ou faire tes horaires, mais tout est Oui, présentiel. le principe est évidemment de profiter du dispositif et d'être en présentiel, bien sûr. Et quand on a préparé l'émission, tu me mettais, je cite, hein, qu'il y avait le passage de la moulinette, qui est un script qui teste le code, et a Ouais. priori, là, c'est assez soudain, enfin, c'est assez violent. C'est quoi le fonctionnement Ouais. exactement? Et ben du coup, donc t'as tout un système. Ça aussi, je peux en parler. C'est pas vraiment une surprise. Toutes les vidéos en parlent déjà. Donc t'as un système de points pour te forcer à faire des corrections en fait, et pour tout soumettre tes projets, tu es obligé d'utiliser des points. Et donc tu fais tes corrections et tu en gagnes en faisant d'autres corrections. Et bref, une fois que t'as fait ce système-là de tu soumets, tu te fais corriger, tu gagnes tes points ou machin. Tu passes par une moulinette. Et ça, en gros, c'est un Elle s'appelle script qui vraiment la vient. moulinette ou est-ce que c'est toi Ouais, qui elle l'appelles comme s'appelle la ça? moulinette. Excellent. Mais Ok. tout est dans l'école, tout est un petit peu avec des noms rigolos. Comme ça, par exemple, les membres du staff, c'est le bocal. Ah, excellent. C'est tous des noms un peu marrants, quoi. C'est vraiment super. Donc, oui, bah, à propos de la moulinette, bah, après, c'est un script qui vient torturer tes fonctions, quoi, en gros. Ok. Et ça peut être très punitif parce qu'il y a une histoire de normes aussi qu'il faut respecter dans le code. Et si elle n'est pas respectée, bah déjà, c'est un chaos. Normalement, ça dû déjà checker en correction avec les pairs. Mais la moulinette vient faire des tests un peu improbables qu'un utilisateur un peu bébête, pour être un peu méchant, un utilisateur un peu bébête aurait essayé de mettre des inputs qui ne vont pas du tout dans la fonction pour la faire crasher, quoi. Et c'est ce que la moulinette, elle fait. Et notre fonction doit résister à cette torture, quoi. C'est très vite un mode de développement qui existe vraiment en plus, le fonctionnement par les tests, où tu définis d'abord les comportements types, plus les comportements que tu veux contrôler, et du coup ton code, tu le génères par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est aussi pour refléter ces modes de développement dès le départ qu'il y a ça, non? Ouais, complètement, complètement. Et c'est aussi en piscine, on se disait, mais parce que l'histoire de la norme, qui pour la petite anecdote s'appelle la norminette, c'est rigolo aussi. Donc la norminette, on se disait, mais c'est punitif. Elle nous limite dans le nombre de lignes qu'on peut utiliser par fonction. Elle nous limite dans les déclarations des variables. Elle nous limite sur plein de choses. Et on se disait, mais c'est vraiment punitif. Il y a un espace de trop. On se prend un chaos. Ah Enfin, ouais, ok. et en y réfléchissant, on se disait, oui, ok. Mais déjà, c'est bien d'apprendre la rigueur. Et aussi, il y a peut-être des infrastructures où on Absolument. peut faire tout crasher avec un espace en trop, on ne sait pas. Et c'est dans le même esprit de tester un peu n'importe quoi, parce que c'est vrai que si on n'a pas anticipé tous les cas de figure, ben on peut faire crasher une infrastructure on peut vite faire n'importe quoi dans ces domaines-là. Ouais, et j'imagine aussi qu'il y a les contraintes des appareils sur lesquels le code va tourner derrière. Il faut savoir s'adapter aussi à des exigences dans lesquelles les ressources sont pas idéales, sans doute. Sans doute, ouais. Après, c'est... La pédagogie peut paraître rude, mais je pense que c'est super bien rodé et tout a un intérêt, en fait. C'est pas la difficulté bête et méchante. Au contraire, c'est pour l'apprentissage, c'est vraiment... Il y a vraiment du sens à faire ça. C'est super intéressant. Ça a l'air presque rigolo, mais j'imagine qu'il y a des étapes qui sont peut-être un petit peu plus stressantes que d'autres. Il y a des examens quand même. Il y a des formes de concours. Oui, il y a des examens. En fait, toutes les semaines pendant la piscine, il y a des examens pour valider que les connaissances que tu as acquises, c'est pas que tu as cloné le guide du copain. Ok. Et du coup, en fait, pendant les corrections, il y a toujours moyen de faire illusion, de faire croire qu'on maîtrise ce qu'on dit. Et puis, vu qu'on sait tous un peu, on débute tous, on n'ose pas être trop sévère avec la personne qui ne sait pas trop ce qu'elle raconte. Donc, il y a toujours moyen de passer entre les gouttes, sauf à l'examen, évidemment. D'accord. Et à l'examen, on valide les connaissances qu'on est censé avoir acquises dans la semaine, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment la vérif des connaissances, quoi. Ouais, non, mais ce qui permet de certifier quelque part que l'apprentissage, exactement, c'est pas juste un apprentissage d'apparence, mais de fond, quoi. Et alors, du coup, t'es lancé sur ce dispositif, sur cette école, pour combien de temps tu espères avoir un retour? Quand tu pourras présenter ton CV quand pour développer en entreprise ou faire autre chose d'ailleurs? Eh ben, c'est toute la beauté de 42 aussi, c'est que là encore pendant le cursus, donc en fait la piscine elle met vraiment sur les rails de la pédagogie, quoi. C'est la pédagogie est mise en place pendant la piscine, on voit si ça nous convient ou pas. Après le rythme de la piscine est vraiment violent. Mais du coup, après, c'est la pédagogie reste la même, à savoir ça fonctionne par projet, mais le rythme, c'est le tien. Et c'est toi qui dois te l'imposer. Donc, quand je pourrais présenter des choses sur mon CV, ça dépend que de moi. Il y a ce que je te disais tout à l'heure, le tronc commun. En fait, pour accéder au stage, parce qu'il y a une période de stage obligatoire pendant le cursus, qui est de 4 ou 6 mois de stage, je crois. Oui, c'est ça. Et en gros, pour accéder à ce stage, tu dois acquérir des connaissances minimum pour partir. Et ça s'appelle le tronc commun. Et donc, pour finir le tronc commun, il me semble, mais après ça change. Il est vraiment mis à jour très souvent, ce tronc commun. Et là encore, pour notre promo, le cursus vient de changer, etc. Les exercices ont été mis à jour, il y en a d'autres qui ont bougé, enfin bref. Et donc, en théorie, c'est prévu pour que quelqu'un qui a un niveau moyen puisse le faire en un an. Vache. Et quelqu'un qui est un peu plus lent puisse le faire en un an et demi. Et après, c'est ce que je te dis là, ça dépend des gens. Ça dépend de, par exemple, là, il y en a qui se sont mangés une pandémie oui, un petit peu du temps. Donc, du coup, ils ont pris pas un an de retard, mais presque. Enfin, les cursus ont changé entre temps. Donc, il y a eu un petit peu des bâtons dans la roue. C'est très variable. Il y en a qui vont rusher le programme et qui, en 6 mois, vont avoir fini le tronc commun et vont pouvoir aller au stage. Il y en a vraiment, des brutes. Il y en a qui sont déjà devs à la base et qui viennent, par exemple, là, en piscine, il y a quelqu'un qui est dev et qui voulait, avant de repartir sur le marché de l'emploi, pouvoir certifier de ses connaissances, en fait. OK, ouais. Et il est passé à 42 pour avoir ça sur son CV et voilà. Et donc, du coup, lui, il est déjà super avancé, alors que ça fait une semaine de cursus, il a déjà plié beaucoup, beaucoup de projets, quoi. Et après, ça dépend que de toi, au rythme où tu vas pour les projets, les examens, etc. Ce qui est chouette, je pense qu'il y a beaucoup d'environnements pédagogiques qui devraient s'inspirer de cette souplesse qui est proposée, qui est quand même très cadrée, en fait, c'est pas du n'importe quoi, mais il y a vachement de souplesse. Au-delà du tronc commun, est-ce qu'il y a la possibilité de développer des spécialisations? Oui, totalement. Il y a moyen de développer des spécialisations. Et juste, je reviens sur un point que tu donnais. Même même après piscine, la souplesse, elle reste quand même, comment dire, encadrée. Parce que tu peux pas, mettons, dire, bah, je viens pas à l'école pendant un an. En gros, une sorte de compteur de jours qui bah, décompte chaque jour et qui s'il arrive à zéro, on se fait éjecter de l'école. Et si on rend des projets, on regagne des jours. Et donc, c'est l'intérêt de pas forcer les gens à venir, mais l'intérêt est quand même de dire, bah, vous avez le temps, vous pouvez faire à votre rythme, mais faites pas n'importe quoi non plus. Donc, il reste un cadre. Et par rapport aux spécialisations, donc après le stage, à savoir que en théorie, il y a 80% des gens qui sont recrutés en stage, donc qui ne Ouais, retournent pas à vache. l'école. Et donc après le stage, il y a moyen de revenir et de se spécialiser. En fait, bah, il y a plein de branches. Vraiment, on peut faire du développement, par exemple, de distri Unix, on peut faire de l'application Swift, on peut faire. C'est tellement vaste, on peut faire du machine learning, il me semble, on peut faire. Vraiment, il y a des sortes de micro-piscines aussi, où on peut apprendre un langage en peu de temps. Et vraiment, c'est vraiment touffu. Donc, on peut se spécialiser. Et après le stage, il nous a offert aussi la possibilité de partir en apprentissage. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que l'apprentissage, j'ai pas parlé de ça, non, mais quand tu arrives à ta période de stage, une fois sorti de stage, tu as déjà une attestation de 42 qui te permet de justifier que tu as validé le tronc commun. Mais légalement, enfin, ça n'a pas de valeur aux yeux de l'État, je crois, mais pour les entreprises, ça en a déjà une. Et par contre, si tu fais l'apprentissage et que tu arrives niveau 21, parce que évidemment, quand tu rends des projets, tu as de l'XP et tu gagnes des Ah, bien niveaux. sûr. Et le but de l'école, c'est d'arriver niveau 21, forcément. Et donc, tu peux faire un apprentissage qui va te rapporter beaucoup d'XP avec tes projets d'entreprise et tu peux revenir aussi bah, sur le même processus que l'apprentissage classique. Tu reviens à l'école pour faire des projets aussi dans l'école. Et ce système permet de gagner de l'XP et tu peux faire en 1 ou 2 ans en fonction de ton niveau que tu as. Et après l'apprentissage, en fait, le but, c'est d'obtenir le niveau 20, 21. Et si tu atteins le niveau 21, là, tu as un RNCP de niveau 7 qui équivaut à un bac plus 5. Et le titre, c'est architecte en technologie du numérique, je crois. D'accord. Donc, c'est quand même pas trop mal de pouvoir en faire un bac plus 5 en 3 ans. Tu m'étonnes. Et Et gratuitement en de plus. voilà, donc Enfin, ouais, gratuitement. gratuitement et totalement. On se Oui, bah, comprend, pas d'un avec de point de vue école, l'investissement quoi. personnel, mais c'est totalement gratuit. Ouais. C'est plutôt pas mal. Est-ce que peut-être que ça va pas être facile parce que à la fois sur ton ressenti et sur ton parcours perso, peut-être que tu vas pas être le mieux placé pour répondre à cette question, mais j'ai presque envie de te forcer à trouver une réponse à ça. Est-ce que tu vois des limites, des défauts? Peut-être c'est encore peut-être plus simple de dire pour qui c'est pas fait. J'imagine que si on a trop besoin d'encadrement et qu'on n'est pas capable d'être suffisamment autonome, c'est évidemment pas pour soi, mais est-ce que tu vois des défauts à cette plus qu'à l'école, hein, c'est pas forcément l'école à laquelle je pense, mais à ce mode de pédagogie, est-ce que tu y vois des défauts, des limites? Ben, forcément, comme tu dis, je suis pas le plus objectif. Je suis pas le plus objectif parce que forcément, je suis dans l'école et là, j'adore ça. Des limites et c'est pour qui? C'est pour qui? Je pense que c'est ça qui est beau, c'est que ça peut être pour tout le monde. Parce que vu qu'il y a la piscine, on se rend vite compte si c'est pour nous ou pas. Et du coup. Vraiment, si vous hésitez à y aller, si vous vous dites ah non c'est pas pour moi, j'arriverai pas à me cadrer ou je sais pas quoi, vraiment ça coûte rien d'aller jusqu'à la piscine, essayez. Si ça se trouve ça va totalement changer votre vie et puis vous allez vous dire mais en fait c'est carrément pour moi et voilà et peut-être vice versa et au contraire vous allez vous dire non c'est carrément pas pour moi. Mais l'avantage c'est qu'on peut essayer et que ça reste gratuit. Question supplémentaire par rapport aux limites ou pour savoir à qui c'est destiné, qui peut s'y frotter. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas forcément la volonté, qui va pas le dire forcément, mais la volonté de suivre le cursus complet, qui veut juste tester l'environnement pédagogique, est-ce qu'on peut s'y lancer, se lancer dans les premiers tests d'admission, dans la piscine, dans un premier temps, juste pour voir? Ah mais totalement, totalement. Il y a même des gens dans ma piscine qui faisait ça pour préparer Epitech. c'est ouvert à tous, c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas si jamais vous vous dites que c'est peut-être pas pour vous, mais que vous hésitez ou quoi, il n'y a pas d'hésitation à avoir, il faut vraiment se dire c'est gratuit, je perds rien, il faut juste que je me bloque du temps et c'est tout en fait. Ok. Et si ça ne plaît pas, vous le saurez vite en fait. Ok. Question pour prendre un petit peu de recul aussi et pour terminer notre échange, et peut-être t'auras des ultimes choses qu'on n'aurait pas abordées que tu voudrais souligner, mais est-ce que je prends vraiment du recul par rapport à ton expérience d'étudiant dans l'école 42, mais est-ce que tu crois que ça pourrait servir d'exemple à d'autres écoles, à d'autres environnements d'éducation, mais sur des domaines qui n'ont rien à voir avec le développement? Est-ce que tu penses que ça se prête particulièrement bien au développement, ou est-ce que ça pourrait être une expertise d'éducation et de pédagogie qui pourrait se calquer dans d'autres domaines? Oh ouais, non, je pense que vraiment ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Et déjà, moi, je vois le parallèle qu'on pourrait faire, c'est quand j'ai fait mon BTS là, dans la conception de produits, on nous habituait à faire des brainstorming. Et là, c'est vraiment un espèce de brainstorm permanent, en fait. Tout le monde apporte ses idées, tout le monde apporte ses connaissances, tout le monde... C'est vraiment l'émulsion dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Et du coup, oui, je pense que ça pourrait s'appliquer à plein, plein de domaines. C'est vraiment... Après, comme on disait tout à l'heure, je suis peut-être pas le plus objectif, forcément, vu que je trouve que c'est incroyable comme pédagogie, mais je pense que vraiment qu'il y a d'autres domaines qui pourraient en apprendre. Est-ce que ça pourrait même se calquer dans des environnements de travail en entreprise, toi qui connais aussi cet univers-là? Ah oui, complètement. Complètement. Ah. Ce serait merveilleux même que ça fonctionne comme ça dans certains bureaux, justement. Que déjà la hiérarchie soit un peu nivelée, que tout le monde soit au même niveau et avance dans un but commun et apporte ses connaissances, ce serait vraiment incroyable. Mais ça, c'est... Ça, je ne sais pas si c'est possible qu'à 42, mais en tout cas, oui, ce serait incroyable. Est-ce qu'il y avait des choses qui te viendraient en tête que tu voudrais absolument nous confier avant qu'on se quitte pour cet épisode, en sachant que je te propose peut-être dans un an, enfin à l'échéance qui t'ira, mais qu'on refasse peut-être un petit point ensemble. Le recul t'aura peut-être donné des informations supplémentaires, mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager là avant qu'on se quitte? Non, je pense qu'on a bien balayé le sujet, et ouais, je suis d'accord pour faire un petit point sur faire un petit état des lieux un peu plus tard quand je serai bien avancé. Et bah, volontiers. Pas de soucis. Cool. Arnaud, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te contacter à titre individuel? Est-ce qu'il y a un canal sur internet qui permettrait de te joindre et réagir à ce que tu as dit là sur cet épisode? Alors, je vais faire un petit peu mon Guillaume Pogaspola, mais je suis pas il sera ravi. Je suis pas tout ça, donc vous pouvez communiquer avec moi dans les commentaires de Tech Café. Je vais refaire un tour sur le Discord. Magnifique. Je vais m'annoncer sur le Discord, comme ça, si les gens veulent communiquer avec moi, ce sera peut-être plus simple. Et bah avec grand plaisir. Le lien du serveur Discord est dans les notes de l'épisode. Et oui, en commentaire sur techcafé.fr, ça paraît toujours aussi bête de mettre en avant ce type de retour et d'interaction, mais c'est précieux. Et preuve en est, c'est que tu as utilisé ce mode de retour et ça nous amène à faire cet épisode aujourd'hui, donc c'est cool. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés pour cet épisode. On se dit rendez-vous dans quelques jours désormais pour un nouvel épisode de Tech Café hebdomadaire normalement. Merci de votre écoute. Ciao à toutes et à tous. Ciao.